Culture Société, c'est maintenant le magazine d'archéologie de France Culture, le Salon Noir. Elle est à l'origine d'un grand film, La prisonnière du désert. Archéologue au cœur des rebelles Toubou et Anakazas, kidnappée par Hissène Abré et Gukini Wedei, il y a exactement 41 ans, jour pour jour, le 21 avril 1974. Elle vécut 1017 jours de captivité au cœur du Tibesti, fut filmée par Raymond Depardon avant d'être libérée en 1977. Parce qu'elle ne souhaitait pas s'exprimer, mais retrouver l'anonymat, je n'ai jamais convoité quelque interview ou contacté Françoise Claustre. Françoise Claustre qui s'est éteinte en septembre 2006. Parce que l'archéologie est en prise directe avec la géopolitique internationale, parce que les archéologues travaillent aux quatre coins du monde, souvent sur des terrains reculés, voire dangereux, le Salon Noir évoque aujourd'hui le Sahara, ou quelle recherche entreprendre à l'heure où ce Sahara est pratiquement fermé. Pour en parler, trois Sahariens. Jean-Loïc Lequelec, Yves Gauthier, Robert Vernet, bonjour. Bonjour. Bonjour. Habitué du désert, mais aussi du Salon Noir, Jean-Loïc Lequelec, vous êtes directeur de recherche au CNRS. Yves Gauthier, archéologue indépendant, vous partagez pour partie les mêmes terrains entre Libye et Algérie. Vos thèmes de recherche, l'art rupestre notamment, nous en reparlerons. Robert Vernet, notre première rencontre se déroula à Nouakchott il y a quelques années, puisque vous êtes spécialiste de la Mauritanie et du Niger, une région encore fort peu connue. Avant de plonger dans les sables, au cœur du désert, revenons quelques instants sur Françoise Claustre. L'aviez-vous connue ? Robert Vernet ? Non, sinon par l'exceptionnelle qualité de ses travaux au Tchad, en particulier sur l'archéologie du Borku, à une époque où il était difficile de travailler au Tchad. C'est vraiment remarquable ce qu'elle a fait. Vous aviez eu un dîner, je crois, avec elle. Oui, sans doute, mais c'est surtout par ses travaux que je me souviens d'elle. Elle avait une forte réputation, notamment au sein de son équipe, qui était, je crois, basée à Perpignan. Absolument. Sa disparition, je crois que j'étais à Perpignan dans ces jours-là, a beaucoup frappé ses collègues de l'université. Jean-Luc Lequelec, qu'en est-il de son œuvre saharienne ? On est à la croisée de l'ethnographie et de l'archéologie. Oui, et son livre donc que vient de citer Robert sur l'âge du fer au Borku et au Sahel, c'est un livre tout à fait remarquable par la précision de la documentation. C'est une mine documentaire qui est toujours indispensable maintenant par la force des choses, du reste, puisque c'est un peu le sujet de l'émission, je pense. Il y a eu très très peu de travaux par la suite dans cette région-là. Or, c'est justement une région et une période très intéressante parce que elle est à la frontière entre l'archéologie et l'ethnologie. C'est l'âge du fer dans ces régions, c'est à peu près quelle période ? C'est le tournant c'est le premier millénaire avant notre ère ? Aux environs, oui, voilà. Et le premier millénaire après. Le Tibesti, il y aurait quelque chose à voir, Yves Gauthier ? Vous y êtes passé par exemple ? Alors, je n'y ai pas encore mis les pieds personnellement, mais bien évidemment, par la littérature et par les cartes, j'y ai séjourné un peu. Il y a beaucoup de choses, et on en reparlera tout à l'heure. Il y a plein de monuments, il y a des sites rupestres en abondance. Je pense que la majorité des choses restent à y découvrir. Jean-Loïc Lequelec, le Sahara n'a-t-il pas toujours été un milieu hostile ? Hostile, ça dépend pour qui. Hostile pour les gens qui... Pour les Occidentaux, bien sûr. Voilà, c'est ça, pour les gens qui se sont considérés comme des explorateurs. Mais hostile quand même, hostile par le milieu. C'est-à-dire que aller dans des zones comme le Tibesti, par exemple, pour faire de l'archéologie, ça suppose une longue préparation, ça suppose de ne pas partir au hasard, ça suppose d'être autonome en eau, en carburant, maintenant qu'on y va avec des voitures. Et c'est tout de suite très compliqué. Pourquoi ? très compliqué parce qu'on risque de se perdre, parce que c'est des zones où les gens du pays, même d'une part, sont très rares et d'autre part, ne connaissent pas forcément bien les accès. Et il faut se débrouiller. Et parfois, on se retrouve à être guide à la place des guides locaux. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas de fouilles. Il y a très peu de fouilles dans le Sahara, curieusement. Alors, dans l'ensemble du Sahara ? Oui. Dans l'ensemble du Sahara, peut-être qu'il y a d'autres raisons, en particulier un désintérêt progressif, pour ce qui est de la France en tout cas, pour cette zone-là, où après un enthousiasme des années, disons, 60, 70, la passion saharienne typiquement française, elle est retombée progressivement. Les anciens chercheurs, les grands noms de la recherche ont pas forcément formé de nouvelles générations. Et puis, du point de vue institutionnel, il y a eu un désintérêt progressif. Yves Gauthier, un milieu hostile, mais c'est aussi un milieu qui a très longtemps fasciné, nous spécialement français. Ça a été notre Far West. Oui, vous parlez des difficultés. Je voudrais juste rajouter un petit point. Une des difficultés qui n'est pas une vue de l'esprit, c'est qu'il y a encore pas mal de zones minées qui datent des guerres entre les rebelles et le gouvernement. Donc ça aussi, c'est une des composantes qu'il faut intégrer quand on prépare des missions. Et quelquefois, on a des surprises en arrivant sur le terrain parce que les locaux vous expliquent que là, non Yves, on n'y va pas, c'est trop dangereux. En tout cas, est-ce que c'est bien sûr un milieu hostile, mais c'est un milieu qui nous a longtemps fascinés, nous Français, notamment les militaires, Jean-Luc Lekelec ? Ah bah oui, d'ailleurs une grande part de l'information archéologique vient des méharistes et de tous les militaires qui étaient en poste et qui occupaient leur loisir à soit ramasser sur les sites les choses qui leur semblaient intéressantes ou particulièrement remarquables, les pointes de flèches, les meules par exemple, essentiellement d'ailleurs, et puis qui... moins souvent, mais quand même, se sont aussi occupés à photographier des images rupestres. Et cette documentation-là, eh bien, elle a été que très rarement publiée. Alors curieusement, à regarder, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de grands noms de la préhistoire saharienne, de grands personnages, à part peut-être Henri Lot. Oui, Henri Lot, on peut citer quand même Henri-Jean Hugo aussi, il y a eu quelques grands noms, disons, mais si on rapporte, disons, l'œuvre de ces chercheurs-là à l'ensemble du Sahara, c'est vraiment des pointes d'épingle. Oui, pour le Tchad, notamment pour le Tibesti, on peut rajouter aussi le colonel Huard, qui a beaucoup travaillé, beaucoup publié, en utilisant effectivement les données des militaires. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les données de ces militaires-là, c'est ce qui sert de base aussi aujourd'hui pour préparer des missions, pour essayer de retrouver les terrains sur lesquels ils ont travaillé, qui ont été mal localisés et qui évidemment n'ont pas été analysés de manière détaillée avec des recherches modernes. Le Sahara est-il réellement fermé aux chercheurs occidentaux ? Jean-Luc Lekelec ? Alors, on va dire oui ? Dans l'ensemble, on peut dire oui. Dans l'immense majorité, on peut dire oui. Mais là, du coup, je passe la parole à Yves, parce qu'il est la preuve vivante que c'est pas entièrement fermé. Oui, alors c'est certainement fermé aux chercheurs institutionnels, mais pour un amateur, il y a encore de la place. Dernièrement, j'étais encore au Tchad, et l'impression qu'on a, c'est celle d'une relative sécurité pour y travailler, qui contraste avec les recommandations du ministère des Affaires étrangères. Mais le Tchad est un très vaste espace avec beaucoup de choses à faire, et pour l'instant, pour ce qui me concerne, j'estime qu'on peut y aller travailler. Et qu'est-ce que vous alliez faire au Tchad ? Alors là, j'y suis depuis 2 ans et demi, 3 ans maintenant, essentiellement pour faire des recherches sur l'art rupestre, mais en corrélation avec d'autres aspects, notamment les implantations à travers les habitations en pierre que l'on retrouve, et puis à travers des monuments. Et puis je m'intéresse aussi au paléo-environnement, parce que c'est à proximité souvent des lacs et des points d'eau qu'on va retrouver beaucoup de ces habitations, ou en tous les cas des restes laissés par les populations autrefois. C'est-à-dire que bien sûr les lacs ont été des centres d'attrait pour les populations préhistoriques et notamment néolithiques. Alors, je crois qu'il y a peu de doute maintenant. Les nouveaux documents montrent par exemple que la pêche a certainement joué un rôle pour une bonne partie des populations au Borku. C'est la chose sur laquelle je travaille actuellement. Et comme je le disais il y a 2 minutes, on s'aperçoit qu'il y a des dizaines et parfois des centaines d'habitations qui sont installées sur des promontoires qui probablement dominaient le lac Tchad à un certain moment. Et le lac Tchad à cette époque-là était absolument gigantesque. C'est ce qu'on appelle le méga Tchad, non, c'est ça ? Oui, qui couvrait plus de 330 000 km², donc c'est l'équivalent des 2/3 de la France. Et inévitablement, il a joué un rôle important pour les populations qui habitaient dans cette région. Robert Vernet, vous circulez encore un peu entre Mauritanie, Niger, voire ailleurs ? Non, pour l'instant, je continue à aller en Mauritanie, mais sur le terrain, je resterai sur le littoral atlantique, dans la zone du Mont d'Arguin. D'autres régions seraient sans doute accessibles, mais dans des conditions de préparation assez officielles. Ça poserait sans doute pas de gros problèmes, il faut juste pas être au mauvais endroit au mauvais moment. Faisons un petit tour d'horizon. La Libye, c'est Daesh, État islamique. La Libye jugée comme un véritable sanctuaire du terrorisme, d'après les observateurs. Impossible d'y mettre les pieds ? Absolument impossible. Hélas, parce que c'est vraiment un crève-cœur, parce que c'est une des zones du Sahara central, en tout cas, qui est la plus riche du point de vue de l'archéologie pour toutes les périodes. Vous êtes d'accord, Yves Gauthier ? Oui, on a été ensemble sur ce terrain-là avec Jean-Loïc. Et bien évidemment, je partage ces regrets de ne pas pouvoir y remettre les pieds. C'est une zone qui est absolument formidable, non seulement sur le plan historique, archéologique, mais simplement sur le plan émotionnel, parce que c'est certainement un des plus beaux musées d'art rupestre que l'on connaisse au monde. Il y en a d'autres, mais celui-là est particulièrement beau. Donc, on va s'y arrêter quelques instants. Yves Gauthier, Jean-Luc Lekelec, vous avez tous deux travaillé dans le Messac, avec ses gravures peu connues, vraiment très peu connues, mais tout à fait exceptionnelles. Oui, on peut dire que c'est sans doute un des plus grands sites à gravures rupestres du monde. C'est gigantesque. Le Messac, c'est un plateau qui fait en gros 300 km par en moyenne 80 et qui est entaillé par toute une série de rivières asséchées, des ouèdes. Et presque partout sur les parois, c'est couvert. On peut dire que c'est quasiment couvert de gravures rupestres. Et alors, il y en a d'autres ailleurs, des gravures rupestres, mais généralement, il y en a beaucoup moins. Et le gros intérêt du Messac, c'est que c'est des gravures extraordinaires. Il faut savoir que, par exemple, il y a des éléphants qui sont représentés plus grands que nature. Ça date à peu près du 5e millénaire, avant notre ère, c'est bien ça ? Oui, alors elles sont pas datées directement, ni avec une grande précision, mais vu l'étude du contexte, on est à peu près certain que ça date du 5e millénaire. Et puis, Jean-Loïc Lekelec, il y a les théranthropes. Ces théranthropes sont des personnages hybrides qui révèlent une part de la mythologie des populations préhistoriques, donc probablement du 5e millénaire. Alors, c'est des images qui nous donnent des informations, certes, sur l'environnement, puisque le bestiaire qui est présent sur ces images, il est en rapport avec la faune qui vivait à l'époque. Donc là, on a des informations très intéressantes. Et notamment, on a des représentations d'animaux qu'on n'a pas retrouvés d'un point de vue archéozoologique, dont on n'a pas... D'abord, il y a peu de fouilles qui permettent de les retrouver, mais même, on les a pas vus. Et puis, surtout, c'est un ensemble qui témoigne de la vision du monde des gens qui vivaient là au 5e millénaire et qui témoignent en particulier de leur mythologie. C'est pas partout, c'est pas dans l'ensemble des sites rupestres du Sahara qu'on peut avoir accès à la vision du monde qui prévalait chez les graveurs. Alors ces animaux, ce sont des sortes d'hommes avec des têtes de, on va dire, de je ne sais trop quoi, de chiens, de lycaons. De lycaons, voilà, c'est ça. En fait, il y a parmi les images très curieuses, enfin qui interpellent quand on les voit, il y a donc ces espèces d'êtres qui ressemblent à des humains, mais qui ont une tête animale, très généralement une tête de lycaon. Donc le lycaon, c'est le chien sauvage africain. On est sûr que ces images, on peut prouver que ces images ne représentent pas des personnages masqués, on aurait pu le croire. Et par l'analyse, on a pu montrer que c'est sans doute des êtres mythiques du type un peu des maîtres de la chasse qu'on a chez plusieurs mythologies. Yves Gauthier. Alors, une autre chose intéressante du Messac qui nous ramène à la question que vous posiez sur la datation, c'est un des coins au Sahara où on a pu faire des corrélations entre la distribution de certains styles en art rupestre et de monuments. Il y a au Messac et dans les régions voisines des monuments qu'on appelle des corbeilles. Et la distribution de ces monuments calque relativement bien celle des belles gravures dont vient de parler Jean-Luc. Et indirectement, ça confirme ce qu'on disait tout à l'heure, que la plupart des belles gravures datent du 5e millénaire avant notre ère. Robert Vernet, la Mauritanie est toujours aujourd'hui déstabilisée. Fini par exemple les fouilles de Koumbi Salé, entre autres. Oui, parce que les fouilles historiques qu'on peut pratiquer dans ce pays se trouvent dans le sud-est, Koumbi Salé ou Oudagost, et... il est hors de question d'y aller. De toute façon, les autorisations administratives de la part des institutions de recherche françaises ne seraient pas données. De grandes prospections archéologiques avaient été récemment entreprises via un projet pétrolier de Total. Vous aviez travaillé en presque de l'archéologie préventive. Ah, c'est ce que l'on fait devant les entreprises qui jouent le jeu de la sauvegarde du patrimoine. Et Total l'a joué à fond et nous a permis pendant plus de 2 ans d'acquérir des données que l'on n'aurait absolument pas eu dans une région où on ne serait pas allé en priorité, parce qu'il y a bien d'autres régions plus faciles d'accès et peut-être plus prometteuse, mais là, on est tombé sur le pactole. France Culture, le Salon Noir. Vincent Charpentier. La Libye est contrôlée par Daesh. Au Mali, c'est Acmi, avec le beau-frère de Mokhtar, Ben Mokhtar, qui conduisit en 2013 l'attaque et la prise d'otages en Algérie dans cette centrale pétrolière. La secte Boko Haram, c'est le Niger, le Nigeria, mais aussi le nord du Cameroun, où un attentat vient de se dérouler. On en a pour de longues années, semble-t-il, avant de pouvoir retourner sur le terrain officiellement. Je crois même qu'on peut dire qu'on en a pour plusieurs décennies, hélas. Parce que pour ce qui est de la Libye, notamment, l'état de chaos dans lequel se trouve tout le pays, et particulièrement le sud, est tel qu'on voit très très mal comment ça peut changer avant très longtemps. L'archéologie est-elle touchée par cette vague terroriste? Oui, on pourrait dire bien entendu, on se souvient du Mali avec Tombouctou aux portes du désert, mais il y a peut-être d'autres cas. On peut se poser la question pour le Messac dont Yves on parlait. Oui. Et en faisant, il y a pas mal de mouvements actuellement avec ces sectes et avec ces djihadistes. Et on peut imaginer qu'une bonne partie du patrimoine risque de disparaître. Il y a eu aussi d'ailleurs un papier dans Nature, la grande revue internationale, sur cette destruction donc en Libye, avec pour titre « Il faut sauver l'archéologie en Libye ». C'est bien ça, Jean-Yves Le Callec ? Oui, il y a eu également un appel des archéologues libyens du département des Antiquités de Tripoli, qui appelle à l'aide, en fait, qui appelle à l'aide internationale pour sauver le patrimoine archéologique libyen. Le problème, c'est qu'on voit très très mal comment on peut intervenir. Il y a aussi le djihadisme sunnite radical, les salafistes takfiri et l'attaque du musée du Bardo à Tunis, musée archéologique et symbole du passé en Tunisie. Vous êtes d'accord avec ça? C'est une atteinte à l'archéologie et au passé? Disons que c'est une atteinte probablement, c'est une action qui est symbolique par le lieu dans lequel elle s'est déroulée, parce que si les touristes étaient la seule cible, il y a bien d'autres endroits où ça aurait pu se passer. Si c'est dans le grand musée archéologique du pays, c'est bien dans une volonté de montrer, de s'en prendre à tout ce qui est pré-islamique. Je rappelle pour les auditeurs du Salon Noir de France Culture que nous évoquons avec 3 préhistoriens sahariens, Yves Gauthier, Jean-Loïc Le Callec et Robert Vernet, la fermeture du Sahara aux chercheurs occidentaux. Yves Gauthier, il y a aussi l'iconoclasme banal et insouciant. La destruction de gravures pour, par exemple, juste faire des pierres de construction. Alors, les pierres de construction, le cas typique, ce serait le Maroc, qu'on pourrait citer en premier, où énormément de sites, effectivement, ont disparu dans la dernière décennie. Les pierres servent en fait de matériaux de construction qu'on retrouve pour des jardins, des maisons, même des mosquées. Et il y a un véritable désastre dans ce pays. Des dizaines et des dizaines de sites ont purement et simplement disparu. On l'a constaté encore ces 2 dernières années et le processus s'amplifie. Des pistes sont tracées carrément au bulldozer à travers les sites qui sont totalement dévastés et dans certains, il ne reste quasiment plus rien, des belles gravures qui ont été publiées. Et ce qui va nous amener d'ailleurs peut-être à la deuxième partie de l'émission sur qu'est-ce qu'on peut faire justement. Est-ce que l'on peut parler réellement d'un iconoclasme banal et insouciant ? Alors, banal et insouciant, non, j'y crois pas. Alors, on le retrouve un petit peu partout. Il peut y avoir des motivations différentes. Mais on peut citer un cas. Avec Jean-Loïc Le Callec, on a essayé de retrouver une gravure publiée par Frobenius. C'est une scène de zoophilie. Nous avons fini par la retrouver, mais la partie sensible de la scène avait été détruite à coups de cailloux. Elle se trouvait où? Dans quel contexte, Jean-Évêque Lekelec? Dans le Messac. Et j'ajouterais que dans la Koukas, qui est le massif voisin, il y a un endroit où il y a des peintures d'une petite frise de personnages qui ont tous été symboliquement décapités. C'est-à-dire, au niveau de la tête, quelqu'un est venu et a tracé, a gravé un trait qui barre le cou. Robert Vernet, c'est à peu près la même chose aussi entre Niger et Mauritanie? Les situations sont variables, mais on peut dire que oui. Je voudrais revenir sur une phrase précédente. Ce n'est pas seulement aux chercheurs occidentaux que l'archéologie saharienne est fermée. Les chercheurs nationaux ne peuvent pas en faire beaucoup plus. L'insécurité, elle est valable pour eux aussi. Et par ailleurs, les moyens financiers et la volonté de recherche vient quand même en général d'Europe. Et il n'y en aura pas tant que cette situation sera bloquée. Et les collègues africains avec lesquels je suis en liaison savent bien qu'eux non plus ne pourront pas vraiment aller sur le terrain parce que ils participent à une science qui est celle des infidèles, etc. Et ils sont autant coincés que nous. Et ils voient leur patrimoine disparaître sans beaucoup d'espoir en ce moment. Même dans le Maghreb, même entre Maroc, Tunisie ou Algérie. Au Maroc, il y a actuellement des travaux. C'est peut-être le pays où il y en a le plus actuellement. Il y a des équipes de différents pays et des Français y travaillent actuellement. L'Algérie? L'Algérie, je n'ai pas vent de beaucoup de travaux actuellement. Et en Tunisie, pas grand-chose non plus. Peut-être moins d'art rupestre aussi. La Tunisie, c'est le pays où il y a le moins d'art rupestre et c'est peut-être celui, effectivement, où dans notre domaine, il y a le moins de choses qui se passent. Robert Vernet, le pillage reste aussi un des maux du Sahara? Oui, ça fait un siècle que cela dure. Ça s'est industrialisé. Actuellement, il y a des zones inaccessibles et donc protégés, et puis d'autres qui sont tout aussi inaccessibles, mais pas pour les circuits de trafic dont les islamistes sont parfaitement conscients de l'intérêt que cela présente. Que faire si le Sahara est fermé? Peut-être revenir aux anciennes collections, et il y en a forcément des méconnus. Jean-Loïc Lekelec? Disons qu'il y en a énormément et que sans doute que dans leur majorité, elles seront inconnues. Parce que innombrables sont justement les méharistes ou les simples voyageurs ensuite qui sont passés au Sahara ou qui ont vécu au Sahara et qui ont constitué des collections qui sont parfois énormes. Alors, qui ont ramené en Europe des objets. Alors d'une manière parfaitement illégale, bien entendu, mais qui les ont ramenés. Maintenant, ces objets sont ici, en Europe, et qui ont ramené aussi des photographies et parfois des gens qui ont travaillé de manière plus officielle, des géologues, par exemple, qui ont fait des prospections de géologie, mais qui sont intéressés au contexte au sens large et qui ont aussi collecté des objets archéologiques, qui les ont ramenés et parfois qui les ont aussi très bien documentés. Alors c'est une sorte de véritable appel que vous faites à nos concitoyens? Oui, exactement, parce que là, tous les trois, nous faisons partie de l'Association des Amis de l'art rupestre saharien. Et depuis plusieurs années, nous nous rendons compte que le gros de la documentation, en fait, existe déjà et qui se trouve en Europe. Le problème, c'est que c'est complètement dispersé, que c'est dans des collections privées, que le sort des collections privées, il est généralement très mauvais au décès des personnes qui ont collecté les objets. Les descendants s'en fichent un petit peu et vendent... Encore, c'est encore le mieux qui peut arriver, mais souvent ça part à la poubelle. Et donc, depuis plusieurs années, on essaye de récupérer cette documentation pour essayer d'en faire quelque chose. Vous avez déjà eu des résultats, Yves Gauthier? Vous avez récupéré des fonds, des collections, des carnets de notes? Alors, j'ai récupéré quelques notes concernant des inscriptions libico-berbères. Mais je voudrais revenir sur le Maroc. L'intérêt justement de certaines des collections privées, c'est que ce sont les seuls lieux maintenant où on a des témoignages de cet art rupestre qui a disparu sur ces sites dévastés. Et donc il est particulièrement important que les gens qui possèdent ces documents les mettent à disposition de la communauté, parce que, comme je l'ai dit, ce sont les seuls qui restent à disposition maintenant. Alors à quoi peuvent servir toutes ces données non publiées, Jean-Luc Lekelec? Alors évidemment, le problème des données qui ont été collectées comme ça de manière un petit peu anarchique, disons, en tout cas non scientifique, c'est qu'elles sont biaisées. Les gens qui ont ramassé des objets sur les sites, par exemple, ont ramassé ce qu'ils trouvaient joli, ou ce qu'ils trouvaient intéressant, ou simplement ce qu'ils savaient reconnaître. Alors par exemple, les pointes de flèches, évidemment, qui ont été, je dirais, éternellement ramassées et en nombre incroyable, c'est sans doute des millions de pointes de flèches qui ont été ramassées, les meules, les poteries quand elles étaient entières, etc. Et donc tout ça, c'est tout ce qu'il faut pas faire quand on est sur un site archéologique, on en est bien conscient. Écrémer. Voilà, écrémer et choisir les belles pièces. Bon, c'est l'archéologie du 19e, hein, bon, personne ne fait plus ça maintenant. Alors, la situation du Sahara est particulière parce que on ne peut pratiquement plus faire de la vraie archéologie sur le terrain. Et donc, ces objets maintenant ont été ramassés, ils sont là, on peut pas faire qu'ils ne soient pas là. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ? Des cartes de répartition, et c'est ça dont Yves Gauthier va nous parler, puisque vous avez fait récemment un article sur les chars sahariens, c'est bien ça, avec des cartes de répartition. Voilà, les cartes de répartition des chars. Alors, on peut élargir d'ailleurs, évidemment, à d'autres domaines. L'intérêt de ces cartes, c'est qu'elles permettent de faire des corrélations entre différents aspects de l'archéologie. On peut essayer, j'en ai parlé tout à l'heure, de faire des corrélations entre un style d'art rupestre et puis un monument. On peut voir aussi, par exemple, dans le cas des chars, où sont distribués ces chars, pour essayer de comprendre comment ils ont été introduits au Sahara, si c'est une production locale, comment ça s'est diffusé, quelles ont été les différentes techniques et où elles se sont implantées, tout ça en relation avec les populations qu'on peut détecter autrement. Alors ces représentations sont assez curieuses, ces chars ressemblent curieusement à des bicyclettes, voire des voitures bion-bouton, mais il y a une typologie tout de même, ça vous fait rire. Oui, ça me fait rire. Vous mentionnez les mobylettes, évidemment, ça fait allusion à l'article qu'on est en train de sortir dans les cahiers de l'ARS. Ça, c'était une petite plaisanterie pour bien montrer que certains dessins modernes peuvent ressembler à des chars, ou en tous les cas, certains peuvent les prendre pour des chars. En tout cas, ça date de quelle époque à peu près, tous ces chars ? Alors, il y a des controverses sur l'introduction des chars. Probablement, on essaye de les associer souvent à l'introduction du cheval, dont la première apparition date de 1500 avant notre ère environ. Il n'est pas impossible que ces chars soient plus anciens et que les premiers aient été attelés à des bœufs, mais tout ça reste à travailler. Et puis, ne pouvant aller dans les sables du Sahara, il reste un outil tout à fait extraordinaire pour les archéologues. Bien sûr, Google Earth, qui est un outil formidable, spécialement dans des milieux désertiques. Alors, les images satellitaires sont une quasi-révolution dans notre domaine. On peut y détecter en particulier les monuments, qu'ils soient funéraires ou non, des habitations. Et on a carrément changé d'échelle depuis 2006, depuis la mise à disposition de ces images. Pour chaque type de monument, on connaissait quelques dizaines d'exemplaires. Maintenant, on peut les compter par dizaines de milliers, quand c'est pas plus. Donc, ça permet de voir les limites des zones de distribution, de voir les zones de densité, et indirectement, de beaucoup mieux comprendre les populations qui occupaient le Sahara. Jean-Luc Lequelec, vous utilisez Google Earth aussi ? Oui, moins que Yves. Moi, j'utilise plutôt des systèmes d'information géographique parce que Google Earth, c'est un outil magnifique pour détecter les objets repérables quand ils sont de dimension assez grande. Mais ensuite, il faut traiter l'information. Et je pense que les systèmes d'information géographique et les outils statistiques n'ont pas été assez utilisés et que tracer des cartes de répartition simplement en traçant une limite autour de la répartition maximale d'un trait culturel, c'est pas suffisant. On peut faire mieux que ça. D'ailleurs, vous venez de sortir en deux mots un papier sur ce sujet, je crois. Exactement. En s'amusant à ce petit jeu sur un style qu'on appelle le style de Tazina, j'ai pu montrer qu'en réalité, ce style est pour le moins composé de plusieurs styles différents. Merci beaucoup. La semaine prochaine, le Salon Noir se déplace au Soudan et en particulier dans la fameuse ville de Kerma avec Charles Bonnet et Dominique Valbel. Le Salon Noir était réalisé par Yann Vincent, à la technique Thibaut Guermez, attaché d'émission Catherine Donnet. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir sur le site franceculture.fr ou retrouver plus de 200 archives de l'émission sur le site inrap.fr.